Les propos étaient recueillis par Florent Marot. Ils répondent à l'appel de l'intersyndicale SNES, FSU, FOCGT et Sud. À Saint-Denis, une trentaine d'enseignants ont manifesté devant le rectorat ce matin pour protester contre la réforme des collèges entrée en vigueur lors de la rentrée scolaire le mois dernier. Les syndicats demandent toujours l'abrogation du texte et proposent même pour certains des conseils pour contourner son application au quotidien. Mais pourquoi sont-ils opposés à cette réforme? La réponse de Jérôme Etève, le secrétaire du syndicat FO Lycée et Collège à La Réunion, est au micro Réunion Première de Nadine Bachelot. C'est un mot d'ordre contre la réforme du collège, plus globalement contre la refondation de l'école en ce qui nous concerne. Donc notre plus gros grief, on va dire, c'est qu'il y a rupture d'équité, rupture d'égalité. L'éducation qu'on nous donne maintenant n'est plus l'éducation nationale. C'est une éducation très locale, puisque chaque collège a la possibilité d'appliquer cette réforme comme il en a envie. L'éducation nationale, elle a été créée, et les diplômes ont été créés pour donner à tous la possibilité d'acquérir des avantages. Normalement, un diplôme, ça vous donne une revendication salariale, ça donne une revendication de métier pour plus tard. Or, si vous donnez des diplômes à la carte, ils ne vaudront plus rien au bout d'un moment. Dans un collège quelconque, vous savez que 20% du temps scolaire doit être alloué aux fameux enseignements pratiques interdisciplinaires. Que penser d'un collège qui aura pris essentiellement sur le français, par exemple, et qui donc donnera moins de français à ses élèves? Or, on sait qu'à La Réunion, la lutte contre l'illettrisme est quand même quelque chose qu'il faudrait accentuer. Et on estime à 5% environ le taux de grévistes dans les établissements du second degré du département. Il s'agit d'un appel à la grève nationale. Une manifestation aura lieu à Paris cet après-midi. Midi 6 sur Réunion Première, la suite du journal, Antoine Garnier. Vous l'avez peut-être ressenti tôt ce matin si vous vous trouviez cette nuit dans les cirques de Salazie ou de Mafate. Un léger séisme s'est produit à l'est de Salazie. L'observatoire du volcan a enregistré les données de ce séisme à très précisément 4h26 au niveau du Mazarin à environ 17 km de profondeur. La magnitude de ce séisme est faible, de l'ordre d'1,5 sur l'échelle de Richter selon l'observatoire. Cela explique qu'il n'a pas été ressenti que par les habitants de cette zone. L'observatoire qui rappelle par la voix de sa nouvelle directrice Aline Pelletier que le phénomène est relativement courant à La Réunion. Ce genre de séisme, donc au niveau du massif du Piton des Neiges et même au niveau du massif de l'île de La Réunion dans son ensemble, est relativement fréquent. La plupart du temps, il n'est pas ressenti par la population puisque ce sont des magnitudes extrêmement faibles. Ce sont des séismes qui ont lieu assez profonds, à des profondeurs supérieures à 10 km. Donc on enregistre ce genre de style de séisme 3 à 4 fois par mois. Et quelquefois, une à deux fois par an, ils peuvent être ressentis par la population. De mémoire, est-ce que l'on sait quel est le séisme le plus fort ressenti sur l'île? Alors depuis qu'il y a l'observatoire volcanologique, donc depuis qu'on peut quantifier les magnitudes des séismes, les magnitudes supérieures à 4 n'ont jamais été enregistrées au niveau de l'île de La Réunion. Aline Pelletier de l'Observatoire volcanologique de La Réunion était jointe par Erwan Ponet. Cette question maintenant, Victorin Lurel est-il favorable à la fin de la surrémunération des fonctionnaires à la faveur de la loi sur l'égalité réelle? Non, se défend l'ancien ministre des Outre-mer, tout en estimant que le système doit changer pour les nouveaux entrants dans la fonction publique. Victorin Lurel au micro de Célia Cléry. Je n'ai jamais parlé de suppression, je parle de révision. Deuxièmement, réservé aux nouveaux entrants de la fonction publique. Pas les fonctionnaires qui sont là, on ne touchera jamais à ça. L'économie faite sera dans un plan de convergence pour financer les investissements du plan de convergence. Et tenez-vous bien, à la demande des élus locaux, les réunions ont convenu en disant qu'il aurait enterré le sujet. Je ne peux pas dire ça comme ça, mais c'est ça. Bon, il fallait courageusement évoquer. Vous voulez l'égalité des droits? Vous avez l'égalité des devoirs. L'ancien ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, répondait à Célia Cléry. Et la loi sur l'égalité réelle, on en reparle juste après le journal dans C'est dans l'actu. Aujourd'hui, Philippe Dorni, à partir de 12h15, reçoit Wilfried Bertil du Parti Socialiste et Jean-Jacques Morel et il leur posera cette question. L'égalité réelle est-elle réaliste ou s'agit-il d'une utopie? Vos questions et vos réactions par téléphone au 0262 99 2000 et par SMS au 06 92 70 2000. Les chiffres du tourisme se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Après l'annonce d'une baisse de 4% du nombre de touristes sur notre île au premier semestre 2016, ceux de la fréquentation des hôtels viennent de tomber et ils sont plutôt bons, Gaël Le Dantec. Avec 257 900 nuits d'hôtels vendues au deuxième trimestre 2016, l'INSEE explique que la fréquentation hôtelière progresse de 11% par rapport à la même période l'an dernier. La progression reste valable si on prend en compte l'ensemble des 6 premiers mois de l'année, même si elle est en légère baisse les derniers mois. Globalement, le nombre de nuitées a donc augmenté, mais dans le même temps, le taux d'occupation a lui baissé, passant de 60 à 56%. L'explication est simple, il y a de plus en plus de chambres proposées. Le nombre de ces chambres augmente plus vite que le nombre de clients. Résultat, en moyenne, les hôtels sont moins pleins. Il faut dire que 3 hôtels ont ouvert leurs portes durant cette période et il faudrait une hausse significative du nombre de clients pour les remplir. Ce que l'étude ne précise pas, c'est l'origine de ceux qui ont fait grimper la fréquentation de 11%, mais vu que le nombre de touristes est plutôt à la baisse, on peut imaginer que ce sont les clients réunionnais qui sont allés un peu plus dormir à l'hôtel cette année. Gaël, le Dantec, plus de 5000 personnes ont déjà prévu d'enfiler un t-shirt rose et de courir ou de marcher dans la forêt de l'Étang Salé les 5 et 6 novembre prochains afin de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein. Et pour sa 9e édition, Odyssea devrait accueillir encore plus de participants. Ils étaient 15 000 l'an dernier, le plafond avait été atteint quelques jours avant la manifestation et il devrait être 17 000 cette année. Le plafond a été rehaussé car les organisateurs ne doutent pas qu'une fois encore les Réunionnais répondront présents. En 2015, cette manifestation avait permis de récolter 135 000 euros. L'objectif est évidemment de faire encore mieux en 2016. Cet argent est utilisé pour mener des actions en faveur des personnes malades, avec par exemple le réseau Rose. Mais de quoi s'agit-il ? Pierre Comorassami a posé la question à Nathalie Boursier, la présidente de Renaudicea. On l'écoute. C'est en fait un réseau de prestataires de soins de support et de bien-être pour les personnes quand elles sont en traitement et pour les personnes après le traitement. C'est de pouvoir offrir aux personnes la possibilité de tester différents soins qui peuvent les aider pendant la maladie. Donc souvent, c'est des personnes qui s'isolent, qui ne savent pas vers qui se tourner. Et là, en fait, dans ce réseau Rose, elles ont des personnes qui sont des ostéopathes, qui sont des psychologues, qui sont des personnes qui vont leur faire faire une activité physique en groupe où elles vont pouvoir discuter, parler, échanger. Et ça, ça leur permet effectivement de mieux vivre leur traitement, ça leur permet de mieux vivre la maladie. Et c'est très important pour le taux de guérison déjà. Et puis, c'est très important aussi pour éviter les récidives. Avant de refermer cette édition, je vous rappelle que le jeudi, désormais sur Réunion Première, c'est le rendez-vous culturel avec le magazine de la rédaction à partir de 18h15. Et ce soir, Jean-Paul Mélade recevra Thomas Meynier pour le Manapanif Surf Festival qui est organisé les 17 et 18 septembre prochains. Thierry Villandeuil pour la soirée du 17 septembre à la Cité des Arts avec au programme Olivia Rastikok-Velay ou encore Frédéric Joron. Et vous pourrez écouter également ce soir dans Culture Première l'interview exclusive en différé d'Ali Zamir, l'auteur d'Anguille sous Roche, l'auteur comorien qui a fait sensation lors de cette rentrée littéraire. Il est midi et 12 minutes, on fait tout de suite un tour de l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. C'est le grand rendez-vous de la journée. François Hollande s'exprime ce matin à 11h. Discours très attendu, le chef de l'État devrait dessiner les contours de sa probable future campagne. Il devrait aussi confirmer la baisse d'impôts pour les classes moyennes quelques mois justement avant l'élection présidentielle. Jean-François Copé tacle Nicolas Sarkozy. Si j'avais été mis en examen, moi je n'aurais pas été candidat à la primaire de la droite, assure Jean-François Copé sur France Info. En référence évidemment aux ennuis judiciaires de Nicolas Sarkozy, mis en examen dans l'affaire Big Malion. Le parquet demande d'ailleurs son renvoi en correctionnel. Salah Abdeslam va-t-il enfin parler ? Le terroriste du 13 novembre est auditionné ce matin. Il vient d'arriver au palais de justice de Paris. Depuis son extradition de la Belgique vers la France, Salah Abdeslam garde le silence. Les enquêteurs privilégient la piste terroriste après la découverte d'une voiture remplie de bonbonnes de gaz en plein cœur de Paris. France Info vous révèle ce matin que dans cette voiture, il y avait aussi des bidons de gasoil. 4 personnes sont en garde à vue, 2 couples, notamment un homme et une femme proches de l'islam radical. C'est une victoire pour les producteurs de viande. Après les manifestations dans les supermarchés, un accord est trouvé avec Carrefour. Le groupe s'engage à mieux les rémunérer. Et puis une semaine après la rentrée des classes, première grève des enseignants, manifestation dans plusieurs villes et notamment à Paris contre la réforme du collège. France Info. Vous êtes sur Réunion Première, c'est la suite du 12-13 avec C'est dans l'actu. Bonjour Philippe Dornier. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Il va y avoir du débat ce midi avec vos invités, le socialiste Wilfried Bertil et Jean-Jacques Morel du Parti Les Républicains. Et on parle de ce fameux projet de loi sur l'égalité réelle. Ils nous diront ce qu'ils en pensent l'un et l'autre, Antoine. Vous aussi au 02 62 99 2000. Est-ce que vous trouvez ça réaliste ou bien vous pensez que ça relève plutôt de l'illusion, l'égalité réelle? Ça peut s'appliquer au logement, à l'emploi, dans le domaine des prix aussi, ou encore de la continuité territoriale. Par contre, on n'aura jamais le même temps à La Réunion qu'en métropole. Ingrid pour la météo. Après une belle matinée sur l'ensemble de l'île, les nuages de pente apparaissent, mais sans excès. Dans les hauts, notamment les hauts de l'Est, le ciel devient plus nuageux avec deux ou trois gouttes possibles à mi-pente, mais rien de bien significatif. Sur les plages et sur le littoral en général, le soleil résiste bien, seul un petit bémol entre La Possession et Sainte-Marie, où des débordements nuageux viendront contrarier quelque peu les éclaircies et quelques ondées à mi-pente sont possibles sur ces régions. Les températures de l'après-midi sont agréables et légèrement supérieures au normal de saison. L'alizé d'est-sud-est marque une pause avec des rafales de 40 à 50 km/h sur les côtes nord-est et sud-ouest et la brise souffle sur les plages de l'ouest. La mer, quant à elle, est agitée au vent et peu agitée ailleurs. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première, lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Citoyens des Outre-mer, vous avez la parole. Le projet de loi égalité réelle ne se fera pas sans vous. Une consultation participative est lancée. Objectif, vous permettre de prendre part à une démarche qui va engager l'ensemble des Outre-mer pour les 20 prochaines années. Qu'est-ce que l'égalité réelle? Quelles actions peuvent y contribuer? Quelles sont vos idées? Jusqu'au 9 septembre, rendez-vous sur égalité-réelle-outre-mer.fr. Parlez-en autour de vous et ensemble, construisons l'avenir des Outre-mer. Hey, vous connaissez que depuis le 1er septembre, il y en a moins de ramassage poubelle? Comment ça fait là? Inquiète pas chérie, il suffit de produire moins de déchets et de mieux trier. En plus, les bons pour l'environnement et pour l'avenir de La Réunion. Hé, hey, regarde papa, sur notre calendrier de ramassage, on en a toutes informations. Les pas compliqués. Pour plus d'infos, appelez le numéro vert au 0800 501 501. Appel gratuit depuis un poste fixe. Rendez-vous sur www.civis.re ou sur Facebook Civis Officiel. Moins de ramassage, plus de tri, plus d'avenir. Profitons-en pour avoir les bons gestes. Première. Midi 17 sur Réunion Première, c'est dans l'actu avec Philippe Dornier et ses invités. Et une question ce midi, égalité réelle, utopique ou réaliste? Des billets d'avion hors de prix en pleine saison, un taux de chômage qui atteint plus du double que dans l'Hexagone, des élèves qui transpirent en classe pendant l'été austral ou encore deux fois plus de diabétiques à La Réunion. Ce ne sont pas les exemples d'inégalités qui manquent entre notre territoire et la métropole. Ça fait pourtant 70 ans que notre île n'est plus une colonie mais un département. Des paliers ont été franchis mais sans réussir à compenser complètement les écarts. D'où la volonté du gouvernement de fixer comme ambition l'égalité réelle en donnant la parole aux ultramarins sur le sujet. Vous avez d'ailleurs jusqu'à demain pour aller sur le net et participer à la consultation citoyenne. Pourquoi les internautes sont-ils peu nombreux finalement à donner leur avis jusque-là? Quelles sont les priorités, les secteurs qui ont le plus de retard? Y aura-t-il des résultats concrets avant la présidentielle de 2017? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. Et pour débattre de l'égalité réelle, un face-à-face ce midi sur Réunion Première entre à ma gauche Wilfried Bertil, bonjour, de la Fédération Socialiste de La Réunion, ancien député PS notamment, et puis à ma droite Jean-Jacques Morel du Parti Les Républicains, bonjour. Bonjour. Actuel vice-président du département notamment. Pour les questions des auditeurs, c'est à nouveau au 02 62 99 2000 que ça se passe, ou sinon pour vos textos, au 06 92 70 2000, et puis autre solution, Twitter via le hashtag CDLA première et Facebook en allant sur la page C'est dans l'actu. Alors je me suis rendu sur le site internet Égalité réelle Outre-mer juste avant l'émission, à la veille de la clôture de la consultation. On en est, Wilfried Bertil, à 881 votants et 1583 contributions. 881 votants, alors que le potentiel, c'est écrit sur le site, est de 2 750 000 ultramarins. Est-ce que c'est un échec ? C'est pas un échec, parce que 2 750 000 ultramarins, c'est depuis les bébés jusqu'aux vieillards. Donc, bien entendu, il faut pas rapprocher ces deux chiffres-là. Je crois que 1500 réponses, c'est pas mal, puisque c'était très compliqué. Je demande aux gens qui partent sur le site de voir, c'est compliqué pour y répondre. Moi, je trouve que les Réunionnais, les Ultramarins ont bien répondu, enfin en nombre du moins suffisant, ce qui veut dire qu'il y a un vrai intérêt pour cette problématique. Mais vous reconnaissez vous-même que c'est compliqué d'aller, enfin, pas d'aller sur le site, alors peut-être encore que, puisqu'il faut faire égalité, tirer, réel, etc. Enfin, je passe les détails. Mais la présentation, elle n'est pas très claire, honnêtement. Je pense que ça explique peut-être le nombre relativement restreint, mais justement, en raison de cette difficulté, le fait que 1500 personnes se soient branchées sur le site montre qu'il y a un intérêt. Alors, 1500 contributions et 881 votants au départ. Vous y avez participé, vous, à cette consultation, Jean-Jacques Morel ? Absolument pas. Et je vais vous dire pourquoi, parce que je considère qu'elle est inutile. C'est la raison pour laquelle ça fait pchit, et que sur un peu moins de 3 millions d'ultramarins, de 2 700 000 ou 2 800 000, vous avez moins d'un millier de votants. Alors, mais est-ce qu'il ne faut pas dépasser ? Alors, c'est par principe que vous n'y allez pas sur le site. Me dit, c'est à savoir qu'il faut enlever les bébés et les enfants. Je suis d'accord, mais sur 2 700 000, même si on fait la moitié, il reste quand même 1 300 000 personnes. Quand on a un millier de consultations, enfin de personnes qui s'expriment, hein, de contributions ou de votants, bref. On est pas dans un principe qui est confidentiel. C'est la gauche qui l'organise, j'y vais pas. Il faut pas dépasser les clivages politiques. Je suis sidéré par ce genre de gadgets politiques qui interviennent, pseudo-consultations citoyennes, qui interviennent en fin de mandat. Écoutez, M. Bertil, qui est un fin connaisseur de La Réunion, brillant universitaire, sait très bien que les retards de La Réunion, les problèmes du pot de yaourt qui coûte 3 fois plus cher, des billets d'avion hors de prix, des pièces auto qui coûtent 8 fois plus cher qu'en métropole. Ce sont des problèmes qui sont anciens, récurrents et connus. On n'a pas besoin de faire une consultation citoyenne pour savoir ce qui se passe. Et je regrette profondément qu'il ait fallu 4 ans de mandat de François Hollande et du gouvernement Valls. Un secrétariat d'État qui a servi à quoi finalement ? Faisons-en le bilan. 6 mois, de secrétariat d'État à l'égalité dite réelle, ce qui ne veut rien dire. C'est l'égalité, soit elle existe, on est égal, soit on n'est pas égal. Il n'y a pas d'égalité réelle ou virtuelle. Donc 6 mois de secrétariat d'État, pourquoi ? Quel est le bilan de ce secrétariat d'État ? Dites-le-moi. Donc je considère que ce sont des... On pourrait dire en créole, c'est un gobe pour tenter de piéger quelques benets, mais les Réunionnais ne sont pas dupes. Ils n'ont pas participé, et pour cause, parce que ça ne sert à rien. Qu'en pense Philippe de Saint-Paul ? Il est au 02 62 99 2000. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Ce que j'en pense, c'est que dans la Constitution, on a le mot égalité, que jusqu'à présent, ça n'a jamais été appliqué. Donc commençons déjà par ça. Égalité réelle, je rejoins ce que vous dites. C'est quoi l'égalité réelle ? Moi, je suis dans la santé. L'égalité, c'est quelqu'un qui a peu de moyens, qui doit débourser chez un spécialiste un dépassement d'honoraires qui n'est pas pris en charge par mutuelle, et donc qui forcément va l'empêcher d'avoir accès aux soins comme tout le monde. Voilà, c'est ça la réalité, l'égalité réelle. Et deuxième chose, on parle en ce moment pas mal d'élections, de primaires, etc. Moi, je voudrais qu'on m'explique pourquoi moi, infirmier, on me demande un casier judiciaire vierge pour travailler, un policier, un prof, etc. Et que tous les élus qui se présentent, et notamment au plus haut sommet de l'État, ont un casier judiciaire bien plein, et ils peuvent se présenter. Donc déjà, commencer par montrer l'exemple sur ce qu'est l'égalité, et qu'elle soit appliquée pour tous. Voilà, c'est ça l'égalité réelle. C'est pas des circonvolutions d'intellectuels qui n'apportent absolument rien, à quelques mois d'élection, et juste pour essayer d'attraper des électeurs. Voilà. Merci pour votre participation, pas à la consultation. J'ai cru comprendre que vous n'y avez pas participé. Philippe est parti. Il faut avoir le temps, déjà. Ouais. Donc, et quand on commence à voir, j'ai regardé, hein, franchement, vu comment c'était présenté, je veux dire, j'ai pas le temps. Donc c'était trop compliqué. Et moi, je le vis au quotidien, l'égalité réelle. C'est-à-dire que les gens, des personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont une retraite de misère, qui sont obligés de payer des mutuelles, des fortunes, et qui n'ont pas accès aux soins. C'est ça. Et nous, on le vit au quotidien. Donc, des personnes qui, dans un bureau, parlent d'égalité réelle, est-ce qu'ils ont été une fois sur le terrain ? Moi, c'est ça qui me désole. C'est effectivement des gens dans des ministères qui inventent des belles phrases. L'égalité, elle est date de la Constitution de 1789, liberté, égalité, fraternité. Et l'égalité, finalement, qu'elle soit outre-mer ou en métropole, hein, comme ici, et ici, c'est encore plus accentué, d'ailleurs. Hein. Voilà, j'ai une petite réflexion, on tape aussi sur les fonctionnaires. J'exècre la surrémunération, c'est sûr. Je supporte pas ça, mais il faut l'admettre pour tout le monde. Les médecins ici ont aussi une surrémunération. Les gens qui travaillent dans les compagnies aériennes ont des billets gratuits. C'est aussi un avantage qu'on doit décrier, parce que finalement, c'est ça, l'égalité à tous les niveaux de la société et tout le monde. Donc ne tapons pas non plus toujours sur les mêmes, mais appliquons-la réellement tous les jours. Merci Philippe, on a d'autres appels, donc on va passer à la réponse de Wilfried Bertil quand même. Oui. Il y a beaucoup de choses, il y a le gadget politique dénoncé par Jean-Jacques Morel, et puis tous les thèmes mis sur la table, là il y en a beaucoup. Il y a d'abord ce qu'a souligné l'auditeur qui est intervenu, et qui s'inscrit en faux dans ce que dit Jean-Jacques Morel, c'est qu'il y a l'égalité ou il n'y a pas. Ben non, il est avocat, et même un brillant avocat, et il sait bien que les gens sont libres, naissent libres et égaux en droit, mais que dans la réalité, il y a des gens vis-à-vis de la loi qui sont plus égaux que d'autres. Et par conséquent, mais ça ne m'étonne pas, puisqu'il est d'une famille politique qui, depuis le début de l'histoire de la Réunion, a toujours refusé l'égalité, a refusé l'égalité aux des affranchis avec les Blancs, a refusé l'égalité avec l'abolition de l'esclavage, a refusé l'égalité lorsqu'on a créé la départementalisation, a refusé l'égalité lorsqu'on a voulu faire la décentralisation. Donc ça ne m'étonne pas, il y a une constance là qui est remarquable, mais qui ne correspond pas à la réalité. Mais c'est vrai que lorsqu'on est fils d'avocat dionysien, et que moi je suis fils de pêcheur de Saint-Philippe, c'est sûr qu'on n'a pas la même approche de l'égalité réelle. Pour ce qui concerne la consultation qui était le gadget. D'abord, je voudrais dire que c'est le premier gouvernement qui parle d'égalité réelle et qui a eu au moins le mérite de créer un secrétariat d'égalité réelle, d'y mettre un réunionnais ou une réunionnaise et de faire une consultation. On me dit que cette consultation, c'est un gadget parce qu'il y a des élections et qu'elle n'a pas eu l'écho voulu. Mais je me rappelle qu'en 2009, lorsque Nicolas Sarkozy a lancé les États généraux des Outre-mer, nous, on n'a pas dit que c'était des gadgets. Nous, on a participé aux travaux. Les réunionnais et tous les gens ont participé. Beaucoup de textes ont été sortis. Quelle suite a été donnée par son gouvernement, ou le gouvernement qui soutenait, à cela? Donc, je pense qu'il faut, de temps en temps, voir aussi balayer devant sa porte. Et puis, un dernier mot, l'égalité réelle, je pense effectivement que la définition même du terme mérite un débat. Il y a une égalité formelle et l'égalité réelle. L'égalité réelle, ça veut dire qu'il faut aller vers l'équité, vers l'égalité des chances, et qu'il faut aller vers une discrimination positive pour ceux qui sont le plus en difficulté. C'est ça l'égalité réelle, mais je comprends que des gens de droite n'ont pas du tout cette approche-là. Alors, je voudrais rebondir sur ce que disait Jean-Jacques Morel tout à l'heure. Il disait qu'il n'avait pas participé à la consultation citoyenne, la CGTR non plus, mais son chef de file, Yvon Goirot, a beaucoup travaillé sur l'égalité réelle au sein du CESER, le Conseil économique, social et environnemental. Il l'a dit ce matin sur Réunion Première. Yvon Goirot, pas très enthousiaste sur le sujet. L'égalité réelle, moi, à partir du moment où vous avez un principe et vous y ajoutez un adjectif, c'est que ça va pas. C'est comme la laïcité positive. On met un adjectif, un substantif, à un grand principe, on dénature le principe, premièrement. Deuxièmement, l'égalité réelle, c'est quoi? C'est au bout de 70 ans d'absence d'égalité, on nous dit attendez encore 20 ans, c'est-à-dire un siècle pour attendre. J'ai l'impression que pour l'instant, c'est un grand vide sidéral. On a sorti dernièrement un projet, un titre 1, qui concerne quelques principes et méthodes, et essentiellement Mayotte. Mais rien, absolument rien de concret. qu'on n'a pas besoin de l'égalité réelle pour poser la question de l'emploi local. L'emploi local est posé depuis pas mal de temps. Il y a eu un blocage de tous les bien-pensants de la société réunionnaise en disant que c'était du racisme. Quand on parle d'emploi local, on dit « Ah oui, mais c'est préférence régionale, c'est préférence nationale. » Donc on n'a pas besoin de l'égalité réelle pour poser la question de l'emploi local. Yvan Ouarou, invité de la matinale, rediffusé d'ailleurs tout à l'heure à 13h30. Il y a la question du délai, 20 ans à attendre pour obtenir cette égalité réelle. Est-ce que c'est pas trop long, Wilfried Bertil? Moi, je ne suis pas de ceux qui fixent des délais. Moi, je pense qu'il faut lancer des processus, il faut mettre en œuvre des mesures, il faut aller le plus rapidement possible. Moi, je suis contre les délais et contre les objectifs chiffrés, parce que la réalité montre toujours que ceux-ci ne sont pas atteints et que ces dates ne sont pas tenues. Et sur le vide sidéral du texte ? Le vide sidéral du texte, non. Le vide sidéral du texte, il nous renvoie à nos responsabilités. Puisque dans ce texte, il y a trois parties. Il y a une espèce de voiture balai pour toutes les mesures d'égalité sociale que nous n'avons pas encore ici à La Réunion. Il y a effectivement une grande partie sur Mayotte. Et puis il y a les contrats de convergence. Et c'est là où les Réunionnais sont devant leurs responsabilités, parce que les contrats de convergence, c'est la possibilité de négocier avec l'État un projet réunionnais. Et donc, c'est à nous de nous retrousser les manches et de ne pas dire « Oh ben, c'est encore de la communication ». C'est à nous de travailler et non pas de prendre un bureau d'études pour faire un rapport que les élus vont accepter sans lire. On ira au standard dans un instant rejoindre Fabrice qui nous appelle de Saint-Louis. Mais d'abord, je voudrais votre réaction à ce que nous disait tout à l'heure Wilfried Bertil, Jean-Jacques Morel, les états généraux de l'outre-mer organisés par Nicolas Sarkozy. À quoi ça a servi finalement? Je vais réagir à tout ce que disait Wilfried Bertil, et pas seulement à ça. Et Sarkozy est élu en 2008. Il fait les états généraux en 2009, en début de... En 2007. Non. En 2007, pardon. Donc en 2009, donc 18 mois ou 20 mois après, on a les états généraux. Donc on a encore la plus grosse partie du quinquennat qui va se dérouler. Les élections aujourd'hui sont dans quelques mois, puisque vous avez la présidentielle au mois d'avril. Donc je crois que c'est se moquer un petit peu des ultramarins en général et des réunionnais en particulier, hein, que de proposer tantôt un secrétariat à l'égalité réelle qui, comme l'indique Yvan Boireau, je suis d'accord avec lui, ça n'a pas de sens. Même si dans la réalité, je vais y venir, on ne peut pas, je dirais, procéder par la caricature. Et là, je souhaite répondre à Wilfried Bertil, mais qu'est-ce qui vous permet de dire, M. Bertil, que je n'aurais pas voté si j'avais été parlementaire, l'abolition de l'esclavage? Il n'y a pas d'un côté les bons esprits, et de l'autre côté, ceux qui sont pernicieux. Le Parti Socialiste n'est pas la conscience morale de La Réunion. Qui fait l'égalité à La Réunion? C'est Jacques Chirac, c'est un président RPR, c'est la droite. Donc vous voyez, moi je suis contre... Enfin, l'égalité sociale de 1996, c'est ça? Bien sûr, c'est Jacques Chirac. C'était le dernier en pas, grande partie. Mais le gros a été fait par Mitterrand. C'est Jacques Chirac, et d'accord, je dirais, avec Paul Vergès. Donc je sais très bien que les socialistes n'aiment pas Paul Vergès, mais moi je sais, il a été mon président de région à l'époque, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais il faut rendre à César... Moi, j'étais son vice-président de région. Oui, voilà, mais je pense que j'ai eu des rapports avec lui qui n'étaient pas ceux que vous avez. En tout cas... Sur le plan politique, c'est Jacques Chirac. Donc, il faut le dire. L'aboutissement, mais c'est pas lui qui a fait la droite est évidemment pour la promotion, le progrès social, qui passe par le progrès économique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Comme vous avez une démission de l'État, et je pèse mes mots, je suis conseiller départemental, c'est Nassima Dindar et les Réunionnais qui payent le RSA, que l'État ne paie plus depuis plusieurs années, puisqu'il y a un déficit qui s'accumule d'année en année et une dette qui va croissant à tel point, Philippe Dornier, qu'on a demandé la renationalisation du RSA. Mais là, on a dit, on n'en veut plus parce qu'on ne peut plus payer les RSA. L'État ne s'est pas désengagé depuis le mandat de Nicolas Sarkozy. C'est pas parce que les problèmes existaient à l'époque qu'ils ne sont pas aggravés entre temps, il ne faut pas corriger au bout d'un moment. Lui qui a enclenché la mécanique, Nicolas Sarkozy. La deuxième chose, sur le plan des droits des Réunionnais, notamment celui de voyager, qui fait la mobilité aujourd'hui si ce n'est pas la région Réunion? Qui, je dirais, a fait en sorte que les Réunionnais, non seulement d'ici, puissent aller en métropole, mais que nos compatriotes qui sont parfois depuis 40 ans en métropole puissent rentrer à La Réunion? C'est Didier Robert. Donc vous avez deux principales collectivités. Et on est dans cette plateforme, oui, Wilfried Bertil, de droite et du centre. Donc c'est Didier Robert et Nassima Dindar, donc ma majorité politique, qui pallient le désengagement et la carence scandaleuse de l'État. On fera réagir... Et d'où les souffrances, je dirais, de nombreuses familles qui ne s'en sortent plus. On fera réagir Wilfried Bertil dans un instant. Pour l'instant, je vous le rappelle, c'est l'égalité réelle avec cette question réaliste ou utopique. C'est dans l'actu ce midi sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. 99 2000. Et je remercie sincèrement Fabrice d'avoir patienté au 02 62 99 2000. Bienvenue. Oui, mais bonjour Claude. Philippe. Moi c'est Philippe. Claude, c'était juste avant. Je vous écoute, bonjour. Fabrice. Bonjour Monsieur Morel, bonjour Monsieur Bertil. Bonjour Monsieur. Voilà, j'ai écouté avec insistance ce que vous avez dit et j'ai noté pas mal de points et à chaque fois quand on parle d'égalité réelle, j'ai l'impression qu'on tourne autour du pot. Il faut poser les problèmes là où elles sont. Quand on dit département français, la Réunion, moi j'estime aujourd'hui qu'on est loin d'être un département français par rapport à la vie chère. Et Monsieur Morel, il est très bien placé pour le savoir. Vous parliez de yaourt, de pièces de voiture, etc. Moi, je suis dans le secteur automobile. Déjà, entre les Antilles et la Réunion, il y a une grosse différence au niveau de l'octroi de mer. Vous connaissez quel est le taux imposé aux Antilles et à la Réunion, Monsieur Morel ? Non, moi, je ne connais pas par cœur. Désolé, vous allez me dire les taux d'octroi de mer. Le taux d'octroi de mer sur les voitures, d'accord, jusqu'à 3 litres, c'est à 10% aux Antilles. À La Réunion, c'est à 10% aux Antilles. Et au-delà de 3 litres, on est à 20%. À La Réunion, en moyenne, on tourne à 20,5%. Et pour les véhicules de plus de 2 litres 4, on est à 34%. Vous voyez déjà la différence entre La Réunion et les Antilles? Oui, bien sûr. Je comprends ce que vous dites. Maintenant, il n'est pas illogique que plus une voiture soit puissante, les taxes soient importantes, puisqu'on peut estimer que quelqu'un qui a des moyens plus limités et qui a une petite auto paye moins de taxes. Moi, ça me choque pas. Maintenant, j'entends ce que vous me dites par rapport à la différence d'octroi de mer entre les collectivités. C'est possible. Hein. On sait que l'octroi de mer est un problème parce que d'un côté, les communes en ont besoin pour se financer et de l'autre, ça participe à la vie chère. C'est évident. Comment on explique la différence entre nous et les Antilles? Et c'est pas seulement au niveau des voitures, même au niveau de la nourriture, ils sont beaucoup moins plus lotis que nous. Au niveau de la Réunion, on est complètement dépassé. Rappelez-vous, moi j'ai des familles antillaises qui me le disent. À la Réunion, vous êtes fous. Comment ça se fait que vous payez autant de vous avez autant de différence entre nous et vous? Déjà entre la Réunion et les Antilles, il y a une différence. Entre la Réunion et la métropole, c'est encore plus grand le fossé. Ça fait des années que ça dure et on n'a jamais posé le doigt sur le vrai problème. Alors ça peut être en fonction des collectivités, Wilfried Bertil. Oui, la réponse est que l'octroi de mer dépend des régions. Donc si les régions des Antilles taxent à leur manière l'octroi de mer, la région Réunion peut taxer l'octroi de mer d'une autre manière. C'est la compétence de la région, il ne faut pas mettre l'État, quel qu'il soit, de droite ou de gauche, dans cette affaire-là. Je voudrais dire que, d'abord, en matière de vie chère, c'est quand même la loi Lurel qui, le premier, a pris le taureau par les cornes, même si on peut toujours dire que les résultats n'ont pas été, etc. Bon, je connais la chanson. Je vois que Jean-Jacques Morel ratisse large en prévision des élections, parce qu'il fait appel à la fois à Paul Vergès et également au clientélisme électoral en disant on donne des billets d'avion pour les gens en métropole. On voit que les élections arrivent. Vous croyez que c'est du clientélisme? Absolument. Et maintenant, je voudrais lui répondre sur le fond. Quand il me dit que c'est Chirac qui a fait l'égalité sociale. Monsieur Jean-Jacques Morel, vous savez ce que c'est que la parité sociale globale? Alors c'est quoi? Je vous écoute. Ben c'est vous, c'est votre parti qui, en 1963, avec Michel Debré, ont dit que les Réunionnais ne sont pas assez matures pour dépenser eux-mêmes leurs aides sociales. Excusez-moi, je suis né en 1963, donc oui, je ne suis pas comptable de ce qui s'est passé depuis 50 ans. Ne vous défilez pas à chaque fois. Je ne suis pas comptable de ce qui s'est passé depuis 50 ans. À chaque fois, c'est votre camp. Il y a une continuité dans les valeurs défendues historiquement, et même si vous n'êtes pas là, ne vous défilez pas. Laissez-moi dire que la parité sociale globale, ça a duré de 1964 à 1979. Que les gouvernements de droite de l'époque disaient que les Réunionnais n'étaient pas assez matures pour dépenser leurs allocations familiales, qu'il fallait donc leur donner qu'une petite partie et de mettre l'autre partie dans ce qu'on appelle le FASO. Et avec ce FASO, on finançait la RAJUFA, les cantines scolaires, l'école militaire préparatoire, et l'État ne n'abondait pas le FASO à la hauteur qu'il devait être, ce qui fait que de 1971 à 1979, non seulement on ne donnait pas aux Réunionnais ce à quoi ils avaient droit, mais les sommes elles-mêmes n'étaient pas données. Donc lorsque vous me dites que Chirac est le chantre de l'égalité sociale, vous étiez pour la parité sociale globale, et le grand débat politique de cette année-là, mais peut-être que vous étiez jeune, était justement la lutte pour l'égalité sociale ou la parité sociale globale. C'est ça le fond du problème, et il faut pas faire croire aux gens et refaire l'histoire. Je voudrais qu'on aborde un autre point, parce que s'il y a une partie de la population qui souffre encore plus des inégalités, ce sont les personnes en situation de handicap. On en parlait ici même, hier midi, à l'occasion des Jeux paralympiques. C'était l'ouverture hier, donc l'émission y était consacrée. Et Jean-Marc Maillot, ainsi Kani Amakouti, les deux responsables des comités et des ligues handisport et sport adapté, tous les deux, ils n'ont pas pu s'empêcher de faire le parallèle avec l'égalité. L'égalité réelle, nous, on rêve, ça fait joli, mais l'égalité réelle, elle est loin. L'inclusion des personnes handicapées, donc d'une manière générale, c'est vraiment la galère, c'est un éternel combat. L'accessibilité des écoles, l'accessibilité de l'université, donc tous ces éléments-là. Des sites sportifs aussi. Des sites sportifs et autres, donc n'en parlons plus du logement. Le logement, c'est l'élargissement évidemment, mais on va rester sur cette question du handicap. Est-ce qu'on peut faire mieux et dans un délai rapide, Wilfried Berthier, là-dessus? C'est évident qu'il faut faire mieux et plus. C'est évident aussi que lorsque François Mitterrand était président de la République, il y avait un secrétariat d'État qui s'occupait de ça. Il y avait même quelqu'un qui était handicapé, qui était dans le gouvernement. Que les lois ont été prises, il y a eu des avancées. Maintenant, tout ce qui concerne l'adaptation, l'accession au bâtiment public, à la circulation sur les trottoirs, etc., ça relève aussi des collectivités locales. Et donc, il faut que les handicapés se retournent aussi vers leur maire et vers les grandes collectivités de La Réunion pour dire qu'il faut aussi des avancées dans ce domaine. Qu'est-ce qui est fait en matière de handicap à la fois par le département et par la région, Jean-Jacques Morel, puisque vous référiez aux deux collectivités? C'est une compétence département. Il y a une maison du handicap, il y a énormément de choses qui se font, des budgets importants. Bien sûr, l'auditeur a raison, il y a encore beaucoup à faire et forcément, quand on part avec un handicap, c'est le cas de le dire aussi lourd. La collectivité, elle essaie de résorber sur beaucoup de sujets, mais les choses se font pas du jour au lendemain. Je note que sur Saint-Denis, il y a eu des progrès, mais vous avez encore plein de trottoirs qui ne peuvent pas accueillir des fauteuils handicapés. Mais au-delà, j'entends le cours, la leçon d'histoire que me donne Wilfried Berthier. J'avais envie de dire en souriant que, faisant allusion à la célèbre phrase de François Mitterrand, que vous n'êtes pas mon professeur, je ne suis pas ici votre élève. Et ce d'autant plus que vous me le concédez, je vous en remercie, je suis jeune, je ne suis pas comptable de ces années-là. Moi, ce qui intéresse les Réunionnais, ce n'est pas forcément ce qui s'est passé dans les années 50 ou 60, c'est de voir qu'aujourd'hui, à la fin du mandat de François Hollande, puisqu'on est dans la dernière année, il avait dit « le changement, c'est maintenant ». Ce changement escompté, il n'est jamais arrivé, puisque les plus pauvres sont encore plus pauvres. Les petites retraites ont été baissées. Les classes moyennes, qui sont l'âme d'une société, ont été ponctionnées fiscalement comme jamais, plus 50 milliards en 4 ans. Les entreprises souffrent, je pense au scandale du RSI, les indépendants. Moi, je suis un indépendant et je travaille avec des PME. Les entreprises, on a des dépôts de bilan comme jamais au tribunal de commerce. Donc les entreprises n'en peuvent plus, elles sont écrasées par la fiscalité et les charges. Et on est enfin à 4 ans de mandat, plus 600 000 chômeurs. Donc je veux bien qu'on cherche à parler d'une pseudo-égalité. Moi, je crois que les problèmes, ils sont connus, identifiés. Je crois que cet échec, on a affaire à un échec retentissant de ce mandat de François Hollande. C'est pas pour rien, j'entendais hier soir aux informations, que près de 9 Français sur 10 ne souhaitent pas que François Hollande se représente. C'est pas l'objet du débat. Mais écoutez, ça fait partie. C'est pas l'objet du débat. Moi, je m'intéresse, Monsieur Berthier, à ce que disent réelle. Les Réunionnais. Je comprends que mes propos vous gênent et que vous cherchiez à m'interrompre. Pas du tout. Mais il y a un échec retentissant. un échec retentissant. Mais c'est pas la question de l'égalité réelle. Mais écoutez, mais si, alors, c'est parce qu'il n'y a pas d'égalité et que, par exemple, vous n'avez pas progressé sur le coût de la vie, que le panier Lurel est vide, que l'auditeur nous disait tout à l'heure que les prix, les différences de prix sur, je disais, les yaourts ou les pièces détachées, mais surtout, M. Bertil, les différences de prix sont scandaleuses et la gauche a été incapable de faire ce changement qu'elle annonçait. Alors, Wilfried Bertil, sur cette question de la vie chère, parce que c'est vrai que ça intéresse beaucoup de monde. Sur la vie chère, c'est une vieille rengaine, un vieux débat. Le seul gouvernement qui a porté le fer dans la vie chère, c'est la loi Lurel, avec des résultats qui sont ce qu'ils sont, mais c'est au moins le seul gouvernement. Les gouvernements précédents n'ont rien fait, et ont même accentué. En matière d'impôts, en matière de déficit budgétaire, en matière de chômeurs supplémentaires, je crois que le bilan de Sarkozy, de 2007 à 2012 est largement supérieur au bilan de François Hollande, et par conséquent, il ne faut pas faire une litanie de problématiques. Si Sarkozy était si bon, les 28% des réunionnais seulement votaient pour lui au deuxième tour, et les réunionnais savent bien que du côté d'un président de droite, il n'y a rien de bon pour eux. Rien de bon. Vous-même, au début, vous avez dit l'égalité réelle, ça n'existe pas. Il y a l'égalité ou il n'y a pas. C'était le premier mot que vous avez dit. Alors que tous les intervenants, tous les gens qui interviennent, les handicapés, tout le monde dit que ben il y a pas de réalité. Je dis que c'est un slogan. Je dis qu'il faut faire plus pour ceux qui en ont moins. Bah, là, on est d'accord. Et là-dessus, on est d'accord. Une discrimination positive pour les gens qui sont plus en difficulté. Ben, je suis tout à fait d'accord. Ben, dans ce cas-là, mais je constate. Dans les programmes électoralistes des candidats que vous soutiendrez l'année prochaine, on verra bien ce qu'ils vont proposer avec le recul de la retraite, avec la suppression de postes de fonctionnaires. Moi, l'année prochaine, puisque vous avez parlé de campagne électorale tout à l'heure, vous avez fait toute une litanie. Moi, l'année prochaine, là, je ne parle pas du programme du candidat socialiste, moi. Je parle du programme du candidat de droite. Parce que quand les Réunionnais verront tout ce qui les attend avec la suppression des postes de fonctionnaires, avec la remise en cause d'un certain nombre d'avantages, avec la baisse des dotations aux communes, avec le recul de l'âge de la retraite, ben je pense qu'ils vont tout de suite voter comme ils l'ont voté en 2012. Alors, si vous m'autorisez à vous répondre, absolument. Je crois que je suis d'accord sur la discrimination positive. C'est-à-dire que aider plus un département qui est lointain, qui est petit, qui est isolé, qui est plus pauvre. Mais je constate que beaucoup de gouvernements de passé ne l'ont pas fait, y compris à droite, et que le dernier gouvernement ne l'a pas fait davantage. D'accord ? Et que dès lors, la Réunion aujourd'hui se trouve dans l'impasse, alors que, et c'est pour ça peut-être que les Français jugent aussi sévèrement François Hollande, parce que les difficultés sont réelles, que ce soit en matière budgétaire ou en matière de terrorisme, conduire l'État, c'est compliqué. Mais il avait annoncé monts et merveilles. Et en définitive, les Réunionnais, ils ont l'impression d'avoir été dupés, et je pense qu'ils sanctionneront l'année prochaine le Parti Socialiste. Et d'ailleurs, vous savez, Monsieur Bertil, vous avez plus d'expérience que moi, la politique, ça va, ça vient. Vous dites, on a perdu, on avait des scores qui étaient faibles il y a quelques années. Ne vous gargarisez pas trop, je dirais, de ces scores. On verra à La Réunion, et notamment à Saint-Denis, les scores du Parti Socialiste l'année prochaine. Et d'ailleurs, on l'a vu déjà au régional et au départemental. Vous pouvez parler des scores, que la droite fait des scores dérisoires. Pour revenir sur l'égalité réelle et sur les accusations de Wilfried Bertil de clientélisme. Il n'y a pas d'accusation, il y a des constats. Alors, vous faites un constat, pour être d'accord sur les mots, mais vous parlez, je vais être neutre, vous parlez de clientélisme à propos de la continuité territoriale. Qu'est-ce que vous répondez, Jean-Jacques Morel ? Alors, l'accusé répond, puisque M. Bertil, s'il me laisse la parole à la défense, c'est extraordinaire. Quand la gauche décide, en toute fin de mandat, d'accorder une misère de réduction d'impôts, 1 milliard d'euros à l'échelle de la France et rien, pour avoir quelques petites baisses d'impôts ici et là, c'est une mesure sociale qui va dans le bon sens, qui est extraordinaire. Ce n'est pas du clientélisme. Par contre, quand la région Réunion décide d'aider les Réunionnais les plus pauvres, par exemple à voyager ou à avoir une tablette informatique pour les lycéens, c'est du clientélisme. Eh bien, c'est là toute la caricature dont les Réunionnais ne veulent plus. Et je crois que présenter les choses ainsi, c'est faire preuve, effectivement, d'un électoralisme à courte vue. Et je crois qu'aujourd'hui, les Réunionnais, notamment les plus jeunes, n'en veulent pas, parce que moi, je suis prêt à critiquer la droite ce qu'elle a fait dans les années passées, à des années peut-être où je n'étais pas né, j'en suis pas comptable, mais j'essaye d'avoir un regard juste sur l'histoire. Il reste aujourd'hui que ce sont les pages blanches de l'avenir qui sont à écrire. Et je souhaite qu'en 2017, un nouveau chapitre s'ouvre. Et cette page, elle peut s'écrire peut-être avec la contribution des citoyens à cette consultation citoyenne sur l'égalité réelle. C'est jusqu'à demain, je le rappelle, sur Internet. Merci à tous les deux d'être venus débattre de l'égalité réelle. Merci. Wilfried Bertil du Parti Socialiste, Jean-Jacques Morel du Parti Les Républicains. Retour de C'est dans l'actu lundi. Demain, vous avez rendez-vous avec votre nouveau magazine Dans les coulisses de. Gaël Le Dantec est parti à la rencontre d'un éleveur laitier à la plaine des Cafres. Du 14 au 16 septembre, Réunion Première vous fera suivre le CRC Tour. Une dizaine d'associations, des stands d'information et de nombreuses animations gratuites à l'occasion des 40 ans des caisses réunionnaises complémentaires. Retrouvez-nous de 10h à 12h dans Les Experts, en direct sur Réunion Première Radio, depuis la place du marché de Saint-André, le mercredi 14 septembre. Et lors d'interventions en direct de 9h à 12h, le jeudi 15 septembre à Saint-Joseph-la-Halle. Et le vendredi 16 septembre sur la place de la mairie à Saint-Louis. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Réunion Première vous invite pour Enfants Illois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Thierry, allons à la plage avec nous demain. Ah désolé, je ne peux pas, je dois aller à la CGSS pour aller récupérer mon attestation de carte vitale. Pas besoin de te déplacer. Crée ton compte Amélie et utilise leur service sur amélie.fr. Tu peux imprimer ton attestation de droit, contacter l'assurance maladie par mail, demander ta carte européenne et même télécharger l'appli Amélie. Facile, pratique, plus d'excuses, nous à t'en a où. Pensez au compte Amélie, votre espace personnel qui vous rend bien des services. L'assurance maladie. Première. Première. Et dans 10 minutes, 13h avec le journal de France Info. Et d'ici là, et jusqu'à 14h, Ingrid vous accompagne en musique. Merci Philippe, on vous retrouve demain matin dès 7h15 dans la matinale. Donc France Info, c'est dans quelques instants à 13h. Et puis juste après ce journal, vos rubriques habituelles, Connect Première, le zapping, l'actu insolite et également la rediffusion de l'invité de la matinale. Ce matin, c'était Yvan Waraud, le secrétaire général de la CGTR, qui répondait aux questions de Philippe Dornier. Avant tous ces rendez-vous, voici Alex Sorès et Manimal sur Réunion Première, Nalévé. Dessus le velcro, escroc. Alors ah le nom que donne le cerveau. Et puis, Togo y'a avec Saint-Jo, c'est mon ghetto. Non, ici n'a pas qu'un ciel cuit. M'y fait avec mon temps, écoute CD, m'y fait un biscuit. L'avenir, mon pays piégé en F3. Rien n'est impossible si ma nid roule en haut si à la fois. La maman et la vitrice, c'est bonhomme. N'a ça qui rôde l'ombrage et ça que la pape y affronte. La race, les coques nena, l'amour nous crie pas ses banques. Mais là, nous c'est le papa, nous crase tous, nous ramasse pif ou après. Va arriver un jour, nous va gagner, sortons de Babylone. Fais ton son là dans nos radios, ça fait la folie résonne. Les gars, les highways, et n'a fait whiner, que continue à aller. On a levé, frappé, sac n'a pas moins, soleil va craser, va couiller. On a levé, tout le fire dans le chemin, gars, y'en a brassé, en pouiller. On a levé. Sans le vent les dents, dans petit coton des coffres mon caisse ciment. Dans petit un zier comme dans ton malise. Et puis garde ses côtés avec le peu de macro, il veut couper le quota. Tu fais le beau, mi wild tracé. Si t'as pas dans le fond, on aura de ma peau trappée. N'a box, n'a boogie pot, n'a le football, le monde, faut trapper en pont, y'est tout.

perdu ailleurs. Ici le temps est long. J'ai fait des choses à contre-cœur. Je me croyais innocent. Je n'ai pas entendu tes pleurs. En fait j'étais inconscient. Sans avouer, sans parler. J'ai cavalé, cavalé. J'ai tout donné tant d'années. Première, il est 13h, voici le journal de France Info. La prise de parole est attendue dans une demi-heure. Elle est préparée depuis l'attentat du 14 juillet à Nice. Le chef de l'État s'exprime depuis la salle Wagram à Paris, un lieu qui n'a pas été choisi au hasard, Louise Baudet. Effectivement, Wagram, rappelez-vous, Bintili, c'est l'une des victoires napoléoniennes les plus illustres. Et puis la salle Wagram, c'était aussi la salle dédiée à la boxe française au début du XXe siècle. Alors François Hollande ne va pas monter sur le ring, pas encore. Pas de déclaration de candidature aujourd'hui pour 2017, mais le président va quelque part planter le décor et fixer le casting de cette élection. Il y aurait donc d'un côté lui, en défenseur de l'état de droit et du vivre ensemble, et puis en face, la droite et l'extrême droite, censés promouvoir la division et l'état d'exception. Un élu très proche du président nous le confie à l'instant. Il va répondre à toutes les critiques, évaluera toutes les propositions, entrera donc dans le vif de sujet l'identité, l'islam qu'il avait jusqu'ici esquivé. Alors dans la salle, il y a 800 personnes, des Hollandais pur jus qui veulent se rassurer sur la détermination de leur champion à se représenter, mais aussi des aubristes et des frondeurs. Et puis 150 journalistes sont également présents afin de suivre un discours que l'on dit très attendu. Problème, attendu par qui? En d'autres termes, est-ce qu'il sera entendu, François Hollande, lui que les Français ne veulent plus voir, en tout cas sur l'affiche de la prochaine présidentielle? Louise Baudet depuis la salle Wagram à Paris avec Yvan Turc pour les moyens.